MC Battle Auto-Tune. Radupi, SK, GTA, RDA, SK, Mikaz et Radupi, SK, Mikaz et Radupi. Tu vois, je te dis quoi, que c'est la merde, tu l'as déjà entendu. Tu t'en sortiras pas, mais ferme ta gueule, est-ce qu'on te l'a déjà dit? Eh ouais, l'ami, tu pourras te faire entendre si t'as les mots. Tu t'en la main, on te la coupera bien vite, et ouais, c'est tellement pas compliqué. Tu te fais niquer, vaut mieux communiquer. C'est essentiel, communiquer, je la prends dans cette communauté. Amène-toi, jeune demoiselle, je reprends, on en était. C'est minuté, donc magne-toi et t'occupe pas de mon état. Faire ta gueule, c'est tout ce qui te reste à faire dans ce monde. Tu peux brailler, mais peu de gens t'entendront. Passe la mienne, ça t'entendra du vide, les années passent. Tu crois qu'un jour ou l'autre, tu t'éteindras. C'est très tendu, sans trop d'idées. La jeunesse, montrer du doigt. Tu veux faire quoi? Tu peux faire que fermer ta gueule, lancer la voix. Ça sert à rien, essayera. Je sais pas si ça servira bien à grand chose, y'a pas grand choix. Pour le futur, c'est toi qui vois. Évidemment, on peut se faire entendre. Ferme ta gueule. On a des choses à dire ainsi qu'à prendre. Ferme ta gueule. Évidemment, on peut se faire entendre. Je suis amateur de rap depuis l'âge de mes 18 piges. J'ai 25 ans et le mental, tu me crois pas, demande à Sopic et ferme ta gueule. Tu m'aimes pas et je m'en fous, même si quand je rappe bien jamais fou. J'ai l'ambition d'un jeune au foot et puis j'avance avec le cœur et je l'écris sur papier à 4. Laisse-moi pépère au calme avec une feuille que je me plie au calme. Et je t'avoue que la Starak, Samori, Pimat, Vokora n'est pas carré, n'a pas courage. Donc dis sa mère MP. Accompagné de Gradubi, de le sommeur et pas besoin d'appui. Si tu m'apprécies, appuie seulement et puis tout ferme ta gueule. Ferme ta gueule car les problèmes s'amplifient. J'ai pas d'argent mais c'est gratuit que je pose pour un simple beat. Car j'aime le rap en général et je ne raffe rien. Je suis un jeune en rap qui gênera et je me maintiens. C'est avec ambition que je décris ces mots. Demande à Gras, j'entends des grincements. C'est vrai qu'il est veut à ce monde. Évidemment on peut se faire entendre. Ferme ta gueule. On a des choses à dire ainsi qu'à prendre. Ferme ta gueule. Évidemment on peut se faire entendre. Ferme ta gueule. On a des choses à dire ainsi qu'à prendre. Chocotte, je bois du noir mais j'ai pas les chocottes. Les pierres à la chicotte, c'est dans mon dos que le malheur c'est GK. Dis-moi je fais quoi, c'est la galère, puis plomb sur l'échec. J'ai l'impression d'être droit niveau relationnel, c'est l'échec. Laissons chacun se dans son coin, c'est mon cerveau qui essaye. Je me dis que ça que t'es dit que c'est que le début, donc me dis que c'est cuit. J'y resterai jusqu'à la fin, j'y suis là pour mon frère. Je me demande pourquoi et qu'elle fuit. Après s'il a eu le choix, j'ai pas le brevet des inventeurs. Pourtant je construis, je suis un auteur. J'ai pas le cœur de pierre, j'ai des peurs. J'ai voulu jouer, j'ai du plaisir. Je vais pas me casser le cul pour toutes trois buts où je veux le casser cool. L'amour c'est pas si cool, donc s'il te plaît, me remonte pas si je coule. Évidemment, on peut se faire entendre. Ferme ta gueule. On a des choses à dire.